On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. C'était la deuxième tranche de la fin de semaine et on parle comment on le fait à tous les après. On parle avec François-Olivier Robert. Salut François. Salut. François, si on y allait maintenant, est-ce qu'on peut qualifier ça un petit peu de décevant, de bon, trois médailles? Non, il y a eu plus que trois médailles. Marianne en a eu Une? deux, Marie-Ève en a eu Ah, une, moi j'en ai vu une, ok. Samuel Girard. Ok, c'est Samuel parce que Girard j'ai en a eu une samedi, puis Charles Hamelin en a eu une aussi hier. Ok, donc c'est parce que j'ai vu trois médailles ce matin, donc c'est pour ça que je te Ouais, dis. c'est ça, c'est trois médailles aujourd'hui, hier dimanche, mais Ok. il y en avait eu trois autres samedis. Fait que non, c'est un bon week-end à six. Comme on s'était dit vendredi, l'objectif commun du groupe, c'était neuf médailles individuelles, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, là. Donc, Ben à oui. six médailles, c'est une de plus que la fin de semaine d'avant. Je pense que le moral des troupes va être bon, en fait. C'était très bien. Il y a eu des petits trucs qui n'ont pas été parfaits, là. Exemple, Samuel Girard a été encore une fois excellent. Samedi, il y a eu la médaille d'or au 1500. Ça lui faisait trois médailles en trois courses, dont deux d'or. Trois médailles, c'est déjà autant qu'il a fait toute la saison dernière. Donc, un super début de saison. Puis hier, dans le 500 mètres, il était en avance. Il était devant Charles Hamelin, puis devant les deux autres compétiteurs. Puis avec moins d'un tour à faire, il est tombé dans l'avant-dernier virage, mais il était en tête. Donc, il est vraiment rapide. Puis c'est un super début de saison pour lui. Puis Marianne, qui a eu un peu une fin de semaine décevante à Calgary, est revenue avec deux médailles, dont une d'or hier aux 500 mètres. Puis samedi, elle avait une médaille d'argent, mais Ouais. sur le podium avec sa coéquipière Marie-Ève Drolet. Donc, c'est la première fois, hein, qu'ils sont sur un podium ensemble en Coupe du Monde après toutes ces années. Donc, c'était vraiment ça. C'était un très beau moment. Marie-Ève qui revient sur le podium là, après avoir donné naissance à sa fille. Incroyable. Ça, c'est ouais, vraiment, vraiment incroyable. C'est vraiment le mot qu'on peut dire. Je pense que quelque part, tu sais, je me répète, mais Marianne est vraiment. Pas Marianne, mais Marie-Ève est vraie. C'est un petit bout de femme qui, écoute, elle a dedans, là. Tu sais, probablement, t'es un jeune père de famille. Élever un enfant et être athlète en même temps, c'est pas facile, là. C'est vraiment pas Hey, facile. non, Tu. justement juste aller au bureau puis aller chercher à galerie, tout ça, c'est quelque chose, c'est du travail, là. J'imagine pas m'entraîner toute la journée, avoir la fatigue aussi, hein, parce que c'est ça, c'est pas juste le temps que les athlètes passent à l'entraînement, c'est gérer la gestion de la fatigue aussi, qui est une composante hyper importante. Puis ben, quand on a un jeune enfant, ça doit vraiment pas être évident. Puis ben, elle prouve que ça se fait, hein, ça se fait très bien dans son cas. OK. Si Marianne, 42-441 et Cassandra Bradette, c'est-tu quoi? C'est ça, j'ai remarqué. Cassandra a un temps de 42-536 et Kevin Zimfan a un temps de 42-781. C'est-tu parce que Cassandra était dans la finale du B? C'est pour ça que Oui, Mathieu exact. va Oui, tomber exact. cinquième? Exact. Était finale B, était première de la finale B. OK. Super rapide d'ailleurs. C'est une course. La course, je l'ai vue à la course. Là, je trouvais que très très solide sur ses patins, beaucoup de vitesse. J'aurais aimé ça l'avoir en finale A justement parce qu'elle a dominé la finale B. C'était bien. Cassandra, le début de saison, des bons résultats, d'autres un petit peu moins bons, mais comme la majorité de l'équipe, ils n'ont pas une fiche parfaite, c'est ça le courte-piste aussi, mais je trouve qu'elle est rapide sur ses patins, mais elle a l'air solide, puis je trouve ça positif son début de saison. OK. Si on parlait, En cas Jean. de Valérie, ça a été un petit peu plus dur, elle a eu, si je me trompe pas, deux fois disqualifiée en demi-finale, si je me trompe pas, là, il me semble que c'est ça. Un peu plus difficile dans son cas, mais la fin de semaine d'avant, ça avait été pas si mal. Donc, j'y ai pas parlé, là. Je sais pas, j'ai pas lu non plus ce qu'elle avait dit, mais je pense que c'est circonstanciel. Elle a l'air rapide aussi, elle a l'air vive sur ses lames. Je pense que c'est plus circonstanciel dans son cas. OK. Dans le cas de Marie, de Cassandra, c'est-tu quoi? Es-tu peut-être cinquième, sixième au cumulatif, peut-être? Comme Ouais, meilleure ça ressemble à ça. patineuse, on regarde ça, là. À vise, quand ses objectifs, c'est de viser les grandes finales. Donc, quand on vise les grandes finales, c'est environ ça, là. Donc, au 500, ils sont seulement quatre à faire la finale. Ouais. Mais elle a juste manqué la grande finale. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est là qu'elle se situe, de viser les finales. Puis, on sait, en courte piste, quand on vise les finales, quand on est dans la finale, ben là, il faut en profiter puis aller chercher une médaille parce que tout peut arriver. On l'a vu, Marianne, dans sa finale du 500 mètres, où elle est allée chercher l'or. À quelques tours de la, ben, pas quelques tours, c'est pas très long, mais à pas très loin avant la fin, moi, je pensais pas qu'elle serait sur le podium, mais elle était quatrième. Finalement, il y a eu la bisbille en avant, puis Marianne est passée, puis finit première. Donc, une fois qu'on est en finale, tout peut se produire, puis Cassandra est là. Son objectif, là, c'est de faire les grandes finales, puis elle en a fait cette année, elle en a fait à Calgary, elle a fait. Donc, elle est juste sur le bord, là. Donc, une fois qu'on est là, ben, après ça, ben, les médailles vont arriver à un moment donné, là. OK. Donc, tout ce beau monde va prendre après les fêtes, c'est quoi? Avant les fêtes, il y en a deux autres en Europe, c'est ça? Je viens de me réaliser que je pense que c'est en Asie. C'est en Asie, oui, je vais aller, peu importe, là. Donc, ça aura lieu, donc, je pense que ça commence la première semaine de décembre, je m'abuse. Ouais, c'est ça que je sais, mais je viens Et d'avoir un tu as blanc sur raison, le c'est à fait que l'Asie. Shanghai, Ouais, c'est du ça. 9 au 12. Et du 10 au 12 également à Corée par la suite. En Corée, ça va être en Corée, c'est dans l'amphithéâtre des futurs Jeux Olympiques, là, sauf erreur, là. Donc Ouais. à longue piste, ils font ça aussi, là, les tests d'année pré-olympique. C'est un feeling spécial pour les athlètes aussi, là, qui ont hâte d'y être, qui ont hâte d'aller voir l'amphithéâtre, d'aller voir la ville, d'aller un peu. C'est un feeling particulier quand on est dans une ville olympique l'année avant les Jeux, puis tout ce qu'on pense, c'est les Jeux l'année d'après, là. Okay. Ben, François, on se reparle au mois de décembre. Certains, on se Donc, rappelle. notre collaborateur de patinage de vitesse sur contre-piste, François-Olivier Roberge.